le livre d'Agé. La seconde année du roi Darius, le sixième mois, le premier jour du mois, la parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé à Zorobabel, fils de Salatiel, chef de Juda, et à Jésus, fils de Josédek, grand prêtre, en ces termes. Ainsi parle le Seigneur des armées. Ce peuple dit, « Le temps de bâtir la maison du Seigneur n'est pas encore venu. » Alors, la parole du Seigneur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces termes. « Est-ce le temps pour vous d'habiter dans des maisons lambrissées pendant que cette maison est détruite ? Voici donc ce que dit le Seigneur des armées. Appliquez vos cœurs à considérer vos voies. Vous avez semé beaucoup et vous avez peu recueilli. Vous avez mangé et vous n'avez pas été rassasié. Vous avez bu et vous n'avez pas été désaltéré. Vous vous êtes vêtu et vous n'avez pas été réchauffé. Et celui qui a amassé de l'argent l'a mis dans un sac percé. Ainsi parle le Seigneur des armées. Appliquez vos cœurs à considérer vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez ma maison, et elle me sera agréable, et je serai glorifié, dit le Seigneur. Vous avez compté sur beaucoup, et voici, vous avez eu moins. Vous l'avez porté chez vous, et j'ai soufflé dessus. Et pourquoi, dit le Seigneur des armées, parce que ma maison est déserte, pendant que vous vous empressez chacun vers la sienne. C'est pour cela que les cieux ont été empêchés de vous donner leur rosée, et la terre a été empêchée de donner ses produits. Et j'ai appelé la sécheresse sur la terre, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur tout ce que le sol produit, sur les hommes, sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Salatiel, Jésus, fils de Josédek, grand prêtre, et tous les restes du peuple entendirent la voix du Seigneur leur Dieu et les paroles du prophète Agé que le Seigneur leur Dieu avait envoyé vers eux. Et le peuple fut saisi de crainte devant le Seigneur. Et Agé, messager du Seigneur, dit au peuple de la part du Seigneur, « Je suis avec vous, dit le Seigneur. » Et le Seigneur suscita l'esprit de Zorobabel, fils de Salatiel, chef de Juda, l'esprit de Jésus, fils de Josédek, grand prêtre, et l'esprit de tous les restes du peuple. Et ils se mirent à travailler à la maison du Seigneur des armées, leur Dieu. C'était le 24e jour du mois, le 6e mois, la seconde année du roi Darius. Le 7e mois, le 21e jour du mois, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Agé en ces termes. « Parle à Zorobabel, fils de Salatiel, chef de Juda, à Jésus, fils de Josédek, grand prêtre, et au reste du peuple, et dis-leur, « Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa première gloire ?» Et en quel état la voyez-vous maintenant? Ne paraît-elle pas à vos yeux comme si elle n'était pas? Et maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit le Seigneur. Fortifie-toi, Jésus, fils de Josédek, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit le Seigneur des armées, et travaillez, car je suis avec vous, dit le Seigneur des armées, conformément à l'alliance que j'ai faite avec vous lorsque vous sortiez du pays d'Égypte, et mon esprit sera au milieu de vous. « Ne craignez pas, car ainsi parle le Seigneur des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et le continent. J'ébranlerai toutes les nations, et le désiré de toutes les nations viendra. Et je remplirai de gloire cette maison, dit le Seigneur des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit le Seigneur des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit le Seigneur des armées. Et en ce lieu, « je donnerai la paix, dit le Seigneur des armées. » Le 24e jour du 9e mois, la seconde année du roi Darius, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Agé en ces termes. Ainsi parle le Seigneur des armées. Propose au prêtre cette question sur la loi. Si un homme met un morceau de chair sanctifié dans le coin de son vêtement et qu'il touche avec l'extrémité du vêtement du pain ou des mets ou du vin ou de l'huile ou tout autre aliment, ces choses seront-elles sanctifiées ? Les prêtres répondirent non. Agé reprit, « Si un homme souillé par un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées ?» Les prêtres répondirent, « Elles seront souillées. » Alors Agé reprit la parole et dit, « Tel est ce peuple, et telle est cette nation devant ma face, dit le Seigneur, et telles sont toutes les œuvres de leurs mains, tout ce qu'ils m'offrent en ce lieu est souillé. Et maintenant, appliquez vos cœurs à ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple du Seigneur. Lorsque vous vous approchiez d'un tas de blé de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Et lorsque vous veniez au pressoir pour en rapporter 50 amphores, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé d'un vent brûlant, j'ai frappé de la nielle et de la grêle tous les travaux de vos mains. Et il n'y a eu parmi vous personne qui revint à moi, dit le Seigneur. Appliquez vos cœurs à ce qui se fera depuis ce jour et à l'avenir, depuis le 24e jour du 9e mois, depuis le jour où les fondements du temple ont été jetés. Appliquez-y votre cœur. Est-ce que la semence a déjà germé ? N'est-il pas vrai que la vigne, le figuier, le grenadier, le bois de l'olivier n'ont pas encore fleuri ? À partir de ce jour, je bénirai. » La parole du Seigneur fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces termes. « Parle à Zorobabel, chef de Juda, et dis-lui, « J'ébranlerai ensemble le ciel et la terre. Je renverserai le trône des royaumes, je briserai la force du règne des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux s'abattront, ainsi que leurs cavaliers. Chacun sera percé par l'épée de son frère. En ce jour-là, dit le Seigneur des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Salatiel, mon serviteur, dit le Seigneur, et je te garderai comme un sceau, parce que je t'ai choisi, dit le Seigneur des armées. »